ici Normand Lafrenière, gérant des ambassadeurs de Chibougamau. En mon nom personnel et du bureau de direction des ambassadeurs de Chibougamau, il me fait plaisir de souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à tous nos partisans. Paix, bonheur, santé et prospérité, ce sont les vœux des ambassadeurs de Chibougamau de la Ligue de hockey midget régionale. Le personnel et la direction de Météo GBL profitent de l'occasion pour souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Paix, santé, bonheur et prospérité, ce sont les vœux de l'équipe de Météo GBL qui est un moteur économique important pour le milieu et qui génère plus de 50 emplois. Météo GBL est situé au 550 rue Adélard-Gagnon à Dolbeau-Missassigny au numéro de téléphone 418-276-6102. Que votre Noël s'illumine de moments de rire, de bonheur et de partage. Et que l'année qui vient en soit tout autant remplie. Joyeux Noël et bonne année à la clientèle du restaurant Midas, de la part du personnel et de la direction. Restaurant Midas, au 1084 route 169 Saint-Félicien, au 418-679-0900. Parler des Saguenay de Chicoutimi, c'est la chronique des Saguenay. Habituellement, on parle avec Sébastien Morin, le descripteur, qui voit tous les matchs. Mais là, maintenant, on va parler avec notre autre collaborateur des Saguenay, avec Serge Desmond du Journal Le Quotidien. Salut, Serge. Ça va bien. Serge, si on y allait maintenant avec la saison 2014-2015 chez les Saguenay, ça a été une saison quand même assez difficile. L'arrivée d'Yannick Jean, l'arrivée également de le congédiement de Marc Fortier, également, ce qui est arrivé dans l'année, un changement également au niveau de l'administration des Sags. Donc, ça a été une année négative, mais dans le fond, on regarde ça pas mal, puis c'est quand même assez positif. Si on enlève les 9 matchs, là, les 9 défaites du début de la saison, après ça, c'est très encourageant. Oui, la saison actuelle est encourageante, effectivement. T'as raison. Les 9 premiers matchs ont été des défaites. Depuis ce temps-là, l'équipe joue beaucoup mieux. On parle beaucoup de jeunesse. Il y a beaucoup de jeunes particulièrement défensifs. Il y a 5 joueurs de 16 ans en ce moment sur l'équipe. Il pourrait en avoir plus si la Ligue le permettait. Effectivement, c'est quand même une bonne saison. Tu parlais de 2014-2015. Les Saguenay, ça a commencé à brasser là, en novembre 2014. Il y a eu changement d'entraîneur et de DG. Depuis ce temps-là, ben, il y a mis quand même ses pions en place, pareil, comme lui pense qu'il doit le faire pour monter une équipe. Et jusqu'à maintenant, les résultats sont quand même, pour cette saison, sont quand même corrects. Là. L'année passée, ben, ça s'est fini rapidement en série éliminatoire. Mais la saison actuelle est, je pense, un petit peu au-dessus des attentes. Ben, effectivement, parce que si tu enlèves les 9 défaites du début de la saison, c'est quand même ils ont quand même une bonne fiche. Il y a des joueurs intéressants. Là. Boursier, qui a été acquis de Gatineau, c'est un joueur qui on a pris une chance. Puis finalement, il livre la marchandise. C'est un peu la même affaire qu'on veut faire avec Julien Tessier. Hein? Oui, effectivement. On appelle ça des longs shots. Là. Ouais. Boursier, c'est une belle surprise pour les Saguenayens. Là, les Saguenayens viennent de faire une transaction pour Tessier. Il y a des gens qui pensent qu'ils pourraient débloqué avec les Saguenayens. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. L'année passée, à peu près à la même période, il est allé chercher Timothée Simard. Il nous a dit, Timothée Simard, c'est un joueur qui a marqué des buts partout où il est passé. Il va peut-être débloquer avec nous autres, mais ça ne s'est pas produit encore. Il y a encore beaucoup de difficultés à marquer des buts. Cet échec va avoir plus de succès. On va le voir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. C'est comme ça, je dis, des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne moins bien. On va voir avec Tessier ce qui va arriver. Pour l'instant, le prix à payer est un deuxième choix repêcheur. Si ça ne fonctionne pas du tout, ben, je me dis que le choix va être moins gros. Si jamais il connaît une saison extraordinaire, une carrière extraordinaire, ben, là, probablement que les familles vont s'ajuster. OK. Du côté des assistances également, ça a été un changement qui est arrivé au mois de quoi? C'est novembre que les anciens gestionnaires ont remis à la Ligue et à la Ville les clés. Finalement, de ce qu'on peut voir, je faisais une entrevue avec Richard Letourneau cette semaine, et M. Letourneau me disait que les assistances vont mieux. Écoute, il n'y avait pas de publicité, il n'y avait rien là, qui avait été fait. Là. Depuis que la nouvelle administration a été faite, à quelque part, il y a plus de publicité, on voit des promotions également, et on est en train d'en mettre sa douette. Là. Non, en fait, l'histoire du changement de gestionnaire, c'est sans doute l'événement majeur de l'année 2015 du côté des Saguenayens. Le fait que Pierre-Marc Bouchard Alain Deschênes ont donné des clés à la ville. La ville, en fait, la nouvelle l'a nommé Charlie pour nous pour prendre la relève. Lui, c'est à continuer avec deux autres personnes. Eux autres sont responsables de l'équipe jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à maintenant, je pense que le travail est bien fait. Ce sont des gens d'affaires, à part Marc Denis, qui est un gars très poli. Ils font les tournois, ils en font savoir, ils sont des gens d'affaires. Et je pense qu'ils se sont surtout intéressés dans les dernières semaines à corriger une lacune importante. Les familles avaient beaucoup moins. Je pense que c'est 300 ou 400 billets de saison de moins de vendus que l'année précédente. Et ça, tu sais, la différence est énorme quand tu regardes à chaque match. Puis là, ben, il y a eu une campagne de mini billets de saison, de vente de mini billets de saison qui ont été faites récemment. Qui a quand même, je pense, atteint pratiquement presque 400 personnes. Ça change le visage des assistants. Si tu ajoutes 400 personnes à chaque fois au match, ben, c'est au niveau de 1800, ben, tu vas jouer devant 2003-2002. Ça fait toute une différence. Puis je pense que aussi les succès de l'équipe ont aussi contribué à augmenter légèrement les assistances au centre de. Il y a beaucoup de travail à faire. Je faisais juste le titre également. Pourquoi pas travailler, Serge, c'est sûr que tu es un gars du Saguenay, mais pas travailler le haut du lac Saint-Jean. T'sais, on dit que les Marquis de Jonquin, quelque part, les Marquis, on dit qu'il y a 20% des gens qui viennent du lac Saint-Jean. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Et j'y faisais la remarque à Richard Letourneau. Si les Marquis, il y a 20% qui viennent, pourquoi pas les vous ne faites pas la même affaire? Puis là, je pense qu'il a frappé j'ai frappé un coup de circuit parce qu'il l'a fait allumer là-dessus. Oui, effectivement. Mais tu sais, je pense que les nouveaux gestionnaires, il y avait beaucoup de pain sur la planche quand ils sont arrivés. Là. Il fallait qu'ils mettent droite des choses qui n'étaient pas droites. Il y avait beaucoup de choses à fouetter. Tu nous as parlé du lac Saint-Jean. J'imagine que c'est un créneau qui va être développé au cours des derniers mois de la saison. Mais effectivement, tu ne peux pas te contenter du bassin de Scoutilly ou de Jonquière. Tu as l'ensemble de la maison. Si tu attires, je ne sais pas, 30 personnes du lac Saint-Jean à chaque match, ben, en bout de ligne, ça compte. Puis tu vas faire parler de ton équipe. Tu sais, en bout de ligne, il faut que tu fasses parler de ton équipe, il faut que ton équipe soit présente partout dans la région pour attirer du monde de partout de la région. Mais ça, comme je te disais, ils ont eu beaucoup de choses à fouetter. Probablement, tu n'as pas eu le temps de s'occuper de tous les dossiers qui pourraient avoir un intérêt pour eux. Est-ce que tu prévois qu'ils vont revenir? Moi, j'ai bien de la misère. Puis ça, dans l'entrevue, j'y ai posé la question. J'ai dit, je crois pas ça, moi, que vous êtes là juste pour un an. Je crois que quelque part, remettre ça douette et ainsi de suite, puis après ça, vous vous retiriez. Moi, j'ai de la misère à croire ça. Puis il dit que dans le fond, il y a pas. Il sait même pas comment ça coûte un budget. Il sait comment ça coûte gérer une équipe de hockey sur un an. Comment tu vois ça, toi, l'avenir des Sacks, avec les nouveaux gestionnaires? Ben moi, les gars, ils m'ont assuré qu'ils étaient là juste pour la fin de la saison. Moi aussi, j'ai de la misère à croire qu'ils vont s'embarquer juste pour 5 ou 6 mois, puis après ça, accomplir tout ce travail-là, ils disent bon, c'est bon, ça en va. Moi, je pense qu'à la fin de la saison, le maire va avoir à retourner en appel d'offres. Je pense qu'il n'y aura pas le choix. Pour d'abord pour se protéger face à ces immigrants. Je pense que c'est la meilleure façon de travailler aussi. Sauf que faut pas qu'il y ait juste des groupes ou des gens intéressants en te fiant uniquement sur l'argent qu'on va te garantir en retour à la ville. Il y a de différents critères qu'il faut regarder. Moi, je pense que les gars qui sont en place actuellement, s'ils sont intéressés à continuer, ce qui ne m'étonnerait pas du tout. Ben, ils vont avoir une longueur d'avance sur les éventuelles autres personnes intéressées parce qu'ils vont vraiment savoir comment ça coûte, qu'est-ce qu'il faut améliorer, sur quoi il faut travailler. Moi, je serais étonné que ces gars-là, au moins, essayent pas au moins de revenir. Moi, je pense qu'ils vont essayer de revenir. Puis ils vont présenter une solution pour garder la question du pied de la fin de l'année. Ouais. Mais c'est mon opinion personnelle. Donc, je dis, eux autres, ils me disent, on les laisse à la fin de l'année, puis surtout, il n'y a rien de garanti après ça. C'est sûr. Donc, c'est vraiment intéressant. L'ancien groupe de gestionnaires, dès le départ, quand on voit les soumissions qui ont été faites en 2013, écoute, ça passait de 350 000 à 120 000. Tu vois bien qu'il y a une différence d'environ de 100, au-dessus de 110 000 entre le premier et le deuxième. Donc, tu vois bien que ça ne marchait pas, là. Ah, il n'y avait aucun bon sens. Ça n'avait aucun bon sens. Maintenant, si on fait les chiffres, je ne sais pas. qui voulaient tellement l'avoir qu'on, qu'on mis un cirque qui les assurait d'avoir le titre. Pas besoin que c'est ça. Mais c'est sûr qu'ils se sont fait. Ils sont partis avec des prix. En plus d'avoir 325 000 à donner à la ville en garantie chaque année, ils devenaient responsables d'une série de dépenses qui étaient auparavant imposées par la ville. Sont à peu près l'équivalent de 200 000. Tout ce qu'il y avait d'employés, par exemple, à l'aréna durant un match, auparavant, c'est la ville qui s'occupait de ça. Maintenant, c'est les gestionnaires qui s'occupent de ça. Fait que, au 325 000 qu'ils gagnaient, t'ajoutais encore des dépenses qui, auparavant, n'existaient pas pour les gestionnaires. Ça n'a aucun sens. Ça ne fait pas rien. C'est impossible. La seule chose qu'on voulait, la seule chose qu'on ne savait pas, c'est quand est-ce que ça allait. Ouais. Peut-être que ça leur mettait les clés à la ville, parce que ça n'aurait pas ça. Ça ne pouvait pas arriver. Même avec un club gagnant, ça ne pouvait pas arriver. Je pense que M. Alain Deschênes, moi, ce qu'on me dit, c'est un bon monsieur. Il s'est peut-être fait embarquer avec Laval-Ménard et ainsi de suite, et l'ancien groupe. Ils se sont ramassés avec M. Deschênes et également, je pense, c'est qui l'autre? C'est Pierre-Marc Bouchard. Donc, Il y avait Lavoie, Alain Deschênes, Laval-Ménard et Pierre-Marc Bouchard. Mais là-dessus, tu sais, M. Deschênes va toujours te dire qu'il n'y a personne qui lui a tordu un bras pour s'occuper des familles. C'est un homme d'affaires, puis c'est un gars, je pense pas qu'il s'embatte tête baissée dans un dossier. Pourquoi ils sont embarqués là-dedans, je ne sais pas, à ce niveau-là, pourquoi, je ne sais pas. Mais c'est juste Effectivement. Si on va aller à la pause, Serge, beaucoup de publicité dans des fêtes. Après la pause, je veux savoir comment tu prévois la deuxième moitié de saison et est-ce que Yannick Jean va bouger? Vous êtes à l'écoute de la rétrospective des Saguenayens avec Serge Aymon du Journal Le Quotidien. Ici Hugo Maltais, président de l'Association du hockey mineur de Robertval. En mon nom personnel et au nom du conseil d'administration, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année à tous les jeunes, parents et bénévoles qui rendent possible les activités et merci de nous encourager. Bonjour, ici Léon-Paul Darvaux, président du conseil d'administration de la SADC Maria-Chapdelaine. Permettez-moi de vous souhaiter, au nom du conseil d'administration et du personnel de la SADC, une heureuse période des fêtes et que la nouvelle année soit des plus prospères pour notre collectivité. Développement économique Canada appuie financièrement la SADC Maria-Chapdelaine. Ici Éric Tremblay de Haltech. Aucune occasion n'est plus propice pour vous offrir nos meilleurs vœux de bonheur et de santé. Nous tenons à vous remercier de la confiance que vous avez témoignée envers l'équipe de Haltech pour vos systèmes de climatisation et d'échangeurs d'air. Nous visons un objectif bien précis, la qualité. Nous vous assurons notre entier dévouement afin de vous offrir des produits et un service supérieur. Profitez des jours de fête et soyez prudents. De la part d'Éric Tremblay et toute l'équipe de Haltech. Tout le personnel et la direction de BR Metal et sa filiale Aluco souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population. Grâce à des investissements de près de 1 200 000 l'an dernier, 40 emplois ont été consolidés dans le secteur, devenant par le fait même le chef de file dans le domaine. Joyeux Noël et bonne année de la part de BR Metal, situé au 353 rue Gustave Dessureau de Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-5888. Et Luc Girard, directeur de la Caisse populaire Desjardins des Plaines-Boréales. À l'occasion du temps des fêtes, rien n'est plus agréable que de festoyer avec ceux qu'on aime. Cette période d'année nous offre une occasion unique de nous rapprocher des personnes qui nous sont chères et de partager des moments magiques. Au nom des dirigeants et du personnel de vos deux caisses, nous vous remercions de la confiance témoignée tout au long de l'année. Que 2016 vous apporte bonheur, santé, prospérité et qu'elle vous permette la réalisation de vos vœux les plus chers. Joyeuses fêtes! De retour à DanRadioSport.com, de t'inviter Serge Aymon du Journal Le Quotidien. Serge, comment tu prévois la deuxième moitié de saison? Est-ce que Yannick Jean va y aller avec son plan encore la jeunesse? Moi, j'ai l'impression qu'il ne sera pas nécessairement acheteur, ne sera pas nécessairement vendeur, il va être tranquille. Moi, je pense qu'il va être vendeur si le prix est très bon. Selon moi, l'élément majeur qui peut partir, c'est Gabriel Moreau. Ouais, c'est, je pense, le gars le plus susceptible de quitter l'équipe. Ensuite, tu as Bilia. Mais Bilia, selon moi, les Saguenayens ne veulent pas le défendre. Mais si on leur offre la lune, ils vont prendre la lune. L'autre jour, j'en ai parlé justement avec un immigrant, puis il y en a qui viennent se bâtir une maison, puis il me dit, si tu m'offres 1 million pour ma maison, mais faut t'avance. même Fener, c'est la même chose pour Bouillia. Si un club arrive à la date limite des échanges, qui lui fait une offre qui n'a aucun bon sens, ben, il va la prendre, là. Mais c'est pas dans l'intention de Yannick Jean, au moment où on se parle, d'échanger Julien Bouillia, parce que tu vas créer un trou énorme jusqu'à la fin de la saison. Dans le fond, je trouvais que ça, c'est une transaction dans laquelle il y aurait déjà un autre gardien. Est-ce que Samuel Harvey d'Alma? Moi, je n'en ai parlé avec mon collaborateur de la Ligue du Québec, André Ouellet, et j'ai posé la question. Harvey, Bilia, Rouyn-Noranda contre Harvey et d'autres joueurs? Ah, il faudrait que les autres joueurs soient majeurs et qu'ils aient bon pour faire. C'est bon. Selon moi. Parce que faut que tu penses que Bilia, il va jouer junior majeur l'année prochaine. Okay? Il a 19 ans, normalement, là, il va jouer 20 ans l'année prochaine. Et tu ne changes pas un gars pour 3 mois, tu changes un gars pour un an ou 3 mois. C'est une valeur extraordinaire pour une équipe qui va aller jusqu'au bout. Peut-être Samuel Harvey, ça pourrait être un candidat intéressant avec d'autres éléments autour de lui. Mais comme tu as dit, il va falloir que le Rouyn, pour l'équipe, je sais que cette montagne avait appelé l'autre jour, puis la facture est élevée, du côté des familles. On veut beaucoup pour Julien Villon. Un autre gars qui pourrait bouger, mais là aussi, ça m'étonnerait, c'est Garrett Johnston. Oui, ça va. Les Sags vont bien. Les Sags vont bien depuis que Johnston est là. T'sais. Mais c'est un gars, je pense, qui a augmenté sa valeur depuis qu'il est à Chicoutimi. Il a beaucoup stabilisé la défensive de l'équipe. Je pense que sa valeur au niveau de la Ligue a beaucoup grandi. Parce qu'une équipe va être intéressée à faire qui a de l'allure au Saguenay. Tout est dans le prix que les Saguenay vont recevoir. Autant pour Boudreau que pour Billard, il n'y aura pas de cadeau à n'importe quelle équipe. Là. Les Saguenay vont bouger si le prix est très intéressant pour aller pour bouger. Ça, ce qui va se passer d'ici la fin de la période de transaction, va beaucoup influencer le reste de la saison pour les Saguenay. Parce que sûr, si tu échanges un Boudreau ou un Johnston, ben, en théorie, ton équipe va être moins forte, donc ça risque d'être plus difficile en deuxième moitié de saison. Si tu échanges un Bouillia, ben, selon moi, la deuxième moitié de saison, tu l'oublies, là. C'est terminé, là. Parce qu'on ne peut pas se cacher. Bouillia a un gros rôle à jouer dans les. Sans parler de succès, dans les meilleurs résultats que l'équipe a eu depuis le mois d'octobre. Il joue un rôle majeur là-dedans. Tu l'enlèves. Même si tu le remplaces par un joueur, un gardien plus jeune, je pense que les équipes vont être bien. Mais c'est quoi le plan des Sags? C'est quoi? C'est de faire la première ronde? C'est dans deux ans, l'an prochain, d'être performant? Moi, je pense que le plan des Sags cette année, c'est de faire les séries. De repêcher en juin prochain, le meilleur gardien disponible quand ils vont parler. Et ensuite, de commencer à bâtir, de rebâtir la tête. Ils ont bâti leur défensive l'année passée, avec l'empêchage. Là, ils vont avoir besoin d'un gardien parce que peut-être que Bilia va jouer 20 ans l'année prochaine. Mais moi, je pense que le plan, c'est de ramener Bilia comme 20 ans l'année prochaine avec un gardien de 16 ans, puis de voir comment ton gardien de 16 ans va se développer jusqu'au fait. Puis si ton gardien de 16 ans s'est développé correctement au fait, ben là, tu peux changer Bilia pour le reste de la saison, comme joueur de 20 ans. Moi, je pense que le plan. Mais non, des fois, les plans, ça fonctionne plus ou moins. Mais en ce moment, je pense que c'est de même que les Saguenay veulent travailler. Serge Monde, Journal Le Quotidien, gros merci. Au plaisir de se reparler et de ta collaboration. Je te souhaite de joyeuses fêtes et on va se reparler en 2016. Journal Le Quotidien, Serge Monde.